Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Il y a une belle activité qui va se dérouler le 22 octobre prochain. C'est sous la présidence d'honneur de Yannick Saint-Pierre. C'est une grande marche de 5 km qui va se faire dans les rues de Tolbeau-Missisni. Et question un peu de savoir comment ça va fonctionner, c'est quoi le but de tout ça. On parle avec le président d'honneur Yannick Saint-Pierre. Salut Yannick! Salut, Danny. Yannick, tu t'es encore trouvé de la job. Il me semble que tu n'as pas assez. Non, mais Danny, c'est une bonne cause. C'est important la santé. Oui. Et avec cette activité-là, quand on m'a demandé cette activité-là, de faire un président d'honneur, j'ai accepté avec grande joie parce que je pense que la forme physique, c'est quelque chose qui est important. Tu sais que dernièrement, j'ai un de mes amis que j'ai perdu mon. Un de mes amis. Ouais. Peut-être que c'était causé par ça, je ne sais pas. Faut y penser. On est jeune. Fait que, puis ça n'a pas l'âge, Dani, la forme physique. Puis il y a Marie-André Savard, qui est la présidente du comité. Marie-André, elle a toute une dynamique alentour de ça. Le comité, il travaille très fort. Puis là, ben, ils vont même innover dans la marche, en faisant une marche de 1 km pour les personnes qui ont des mobilités réduites, des choses comme ça. Fait qu'on va, on devance encore le défi Pierre Lavoie avec cette activité-là. OK. Puis c'est-tu une activité qui va devenir annuelle ou on fait la première année, puis après ça, on verra ce qu'on s'en va? Bien, ça, le comité organisateur, c'est quelque chose qui veut se faire à chaque année. Et OK. Debout veut devenir le pôle au Lac-Saint-Jean, parce qu'on sait que Chicoutimi a déjà une activité qui est déjà programmée. Parce que Pierre vient de ce secteur-là. Ouais. Et nous, Delbeau veut devenir, je pense, continuer à avoir cette activité dans le futur. Et je pense que c'est une belle affaire qui est rassembleur pour le Lac-Saint-Jean parce qu'ils vont s'attaquer à toutes les municipalités. Je sais qu'on travaille fort, le comité, pour aller chercher dans les écoles, dans les centres de gens à mobilité réduite, des centres de personnes retraitées, dans toutes les sphères. On veut vraiment là, avoir un maximum de personnes. Puis Marie-André, avec le comité, on fixe un objectif que moi, je pense qu'il peut être réalisable, c'est d'avoir plus que 5000 participants lors de cette journée-là. 5000 participants, puis c'est quoi qu'on fait? Est-ce qu'on s'en va dans des écoles? Est-ce que je sais qu'il y a de la pub pas mal? On est partout d'année. Ouais, OK, mais 5000 personnes, là, c'est... Marie-André, de son comité. Ouais, c'est beaucoup, là. C'est énorme, mais c'est vaut mieux viser haut, Danny, que viser bas. Non, moi, je pense que c'est réalisable, Danny. Si, par exemple, Dame Nature est avec nous, dans ce temps-là, la chasse est terminée. Il n'y a pas beaucoup d'activités au mois d'octobre. Fait que moi, je pense que c'est un objectif réalisable, surtout qu'on n'attaque pas seulement que la MRC Maria Chapdelaine. On va demander du droit, que même les gens d'accord peuvent défendre. C'est ça, là. Okay, exactement. Okay. Là, c'est vraiment pour le lac Saint-Jean. On veut devenir le pôle d'attraction. Puis les gens viennent ici à Debeau-Missisni pour faire la marche du grand défi Pierre Lavoie. Puis en même temps, ben, le comité organisateur, on va avoir un invité d'abord qui va être Alex Godreau, qui va être ici. Alex, qui a fait la voix, puis c'est une petite originaire de Delbeau. Puis en même temps, ben, je suis content, j'étais un de ses anciens employeurs. Ça va me faire drôle de revoir Alex sur la scène, puis jaser avec elle. Okay. Elle va se faire un plaisir de venir faire une prestation. Puis il y a beaucoup de choses qui sont organisées autour de tout ça. Des prix de présence. Le comité organisateur, il va avec... ils font ça en grand, comme Delbeau a toujours fait des choses avec les organisations. Là. OK. Mais Alex Delbeau, c'était quoi? Elle travaillait chez Cantor dans le temps? Ou Oui, elle a travaillé pour moi, Alex. Elle a travaillé okay. Je ne sais pas si j'étais son premier employeur, mais je ne devrais pas être loin de son premier employeur dans le temps. OK. Donc, mais fin octobre, c'est tard un peu pour ça. T'sais, tu peux avoir du mauvais temps, tu peux avoir beaucoup de choses. Est-ce que, bon, j'imagine qu'on l'a pensé un petit peu sur le tard. Est-ce que ça peut être ramené au début septembre? Au début septembre, la rentrée est pas mal faite, la chasse n'est pas commencée encore. Ben, Danny, ça, on peut pas jouer avec cette date-là, parce que c'est Pierre Lavoie qui a établi la date. Ah, OK. C'est toutes les activités, Danny, sont faites comme ça en province. Montréal, Québec, Chicoutimi, Toutes les villes qui vont faire ce défi-là se font en même temps le samedi le 22 octobre. Ah, OK, OK, OK. Donc, c'est pour ça là, que ce ne sera jamais joué, là, effectivement. En fait, ça. OK. Exactement. OK, donc 5 000, ben, c'est du monde. Hein. Mais là, présentement, j'imagine, on va dans les écoles, on publicise. C'est quoi, en fait, qu'on fait? Là? Il y a quelques exemples. Dans toutes les écoles, il y a des approches qui sont faites avec les enseignants. Il y a des tracts qui sont passés dans toutes les écoles également. Il y a des affiches sur toutes les écoles. Les centres hospitaliers, Marie-André travaille énormément fort avec les centres hospitaliers de la MRC, de Maine-du-Roi et des autres MRC, pour inciter les médecins, parce que les médecins, c'est eux qui chapeautent l'activité du Grand Défi Pierre Lavoie cette année. Mm. Fait que les médecins s'impliquent énormément auprès des patients, auprès de leur clientèle, les incitent à venir prendre une bonne bouffée d'air, un petit 5 km. C'est pas énorme, c'est 5 km. Okay. Il va peut-être prendre 45 minutes, une heure, avec plein d'activités tout au long du trajet-là. OK. Va-t-il avoir des... Parce que là, tu dis domaine de roi, va-t-il avoir des transports organisés? Tu ne sais pas encore, ça? Bien, présentement, le comité travaille en fonction de ça pour donner la chance à des gens qui sont de d'autres MRC, sauf que tout va être fait là, en fonction des demandes. Si, exemple, il n'y a pas de demande, il n'y aura pas de transport organisé pour des retardataires ou des jeunes dernière minute. Ouais. Il faut vraiment aller s'inscrire sur onmarche.ca. Puis en allant s'inscrire sur le site, ben, c'est simple. Il y a plusieurs municipalités. Ben, au Québec, Saint-Jean, il n'y en a qu'une. Ils vont sur celle de Belbeau, le 22 octobre. Puis les gens s'inscrivent. Puis c'est vraiment, ça coûte absolument rien. Ils n'auront pas de pourriel comme les gens pensent avoir là, en s'inscrivant sur le net. Là. Ça va être vraiment. C'est vraiment bien fait, Daniel. OK, OK. Donc, on rappelle, ça se passe le 22 octobre à 13h, c'est ça? En plein ça, on vous attend à la polyvalente Jean Delbeau. OK. Avec vos amis, vos enfants, le chien, si vous venez marcher avec vous autres, amenez-le. Ben, effectivement. Yannick, dans notre ordre d'idée, ton garçon joue pour la première année au collégial. Je vais essayer d'y parler dans les prochaines semaines. Comment ça va? Avec William? Ah, c'est une année de transition, Yannick. Quand tu rentres collégial 3A, c'est sûr certain que là, c'est l'élite de toutes les secondaires, de tous les jeunes qui sortent du secondaire, okay. Qui se ramassent là, plus des gens qui ont peut-être 2 ou 3 ans d'expérience. La première année, c'est une année d'apprentissage, une année de rodage, c'est normal. Puis il y a une différence d'âge aussi. On parle de 17 ans jusqu'à 21 ans, fait qu'il y a une grosse écart d'âge. Là. Mais c'est une belle année, la saison, présentement, l'équipe a une réussite de 3 victoires, 3 défaites. Okay. Se maintient dans le milieu du peloton, puis techniquement, ils vont faire les séries encore cette année. Parce que c'est la deuxième année d'existence des Titans dans la division 1. Ouais. Fait que, c'est ça, là. C'est ça. C'est une année d'apprentissage pour nos jeunes, là. Parce que j'ai parlé avec Dave, parent, début d'année, puis Dave, il voit gros dans la soupe, les deux. Philippe joue déjà pas mal régulier, et il reste maintenant William, puis lui, il voyait au collégial éventuellement, il n'y a aucun doute là-dessus. Il joue quoi? C'est une unité spéciale, William? William, il joue demi de coin, puis il est batteur. OK, OK. Mais actuellement, il joue ses unités spéciales? Parce que c'est souvent la porte d'entrée? Non? Oui, ben là, présentement, William est en blessure présentement, malheureusement. Okay. Ça fait 2 semaines qu'il ne peut pas jouer. Il a une blessure à l'épaule. Puis on ne sait pas si la blessure va suivre avec une opération. Donc, c'est malheureux, mais c'est ça qui arrive, les risques du métier. Ben oui. Ben, je dis qu'on se voit le 22 octobre. Le président d'honneur, Yannick Saint-Pierre.